Voilà. Moi, quand je cherche pas les boules de cristal, je fais un truc, j'écoute Anime no Melody, et je trouve ça mais super génial. Et d'ailleurs, je dirais plus... Ouais, c'est trop génial. Bonjour et bienvenue dans ce 10e numéro de Anime no Melody. Au sommaire de cette émission, un homme volant avec Wingman, du robot Kitsch à patte def avec Goldorak et de sales filles qui aiment la photographie avec Dirty Pair Flash. Nous finirons l'émission avec... ça sera une surprise. Pour vous remercier de nous avoir suivis durant cette année 2015, Anime no Melody est fier de vous proposer une interview de David Collin de Parallax.fr qui a fait la réorchestration de Ulysse 31. Cette interview vous sera proposée dans un Anime no Melody Omake qui sortira la semaine prochaine, c'est-à-dire une petite semaine donc après la sortie de l'Anime no Melody numéro 10 que vous écoutez actuellement. Donc, si vous voulez écouter cette interview, eh bien tout simplement téléchargez Anime no Melody Omake. Nous continuons l'émission avec un héros, oui que dis-je, un super héros qui veut protéger le monde. Il est celui qui crie « Chouing » dans la VO pour se transformer, mais dans sa version française, nous le connaissons presque tous sous le nom de... Wingman ! Youhou ! Wingman est prêt ! À l'attaque et pas de quartier ! Senshi Wingman est à la base un manga créé entre 1983 et 1985 par le talentueux et toujours actif Masakazu Katsura, auteur de Video Girl High, DNA DNA ou Z-Man, et pré-publié dans le Weekly Shonen Jump. Concernant Wingman, il s'agit de sa première œuvre. Aussi le dessin, bien que s'améliorant de volume en volume, reste très en retrait des productions standards de l'époque. Aujourd'hui, il faut être un vrai fan, comme moi, pour lire la version de luxe sortie chez Tonkam il y a 2 ans. Mais c'est en 1984 que la Toei Animation décida d'adapter le manga en série télé de 47 épisodes. Celle-ci reste assez fidèle au manga, bien qu'en adaptant que les deux tiers de celui-ci et proposant une dernière partie inédite et une fin alternative. L'histoire, Kenta Hirono, David Duchemin français, est un lycéen qui aime les histoires de super-héros. Il est d'ailleurs très fan de Gaban, alias Xor en France. Il est tellement fan qu'il a inventé un personnage, Wingman, en lequel il aime se déguiser pour faire régner l'ordre et la morale dans son lycée. Il est très apprécié par ses camarades, car finalement, il dérange plus sa classe et donc son professeur qu'il ne la protège. Jusqu'au jour où un livre très spécial tombe du ciel avec une jeune fille. Ne sachant que faire, il la ramène donc dans sa chambre et en attendant qu'elle se réveille, utilise le livre de la jeune fille pour y dessiner de nouveaux costumes et pouvoirs à son personnage. Mais voilà qu'une fois fini, son corps se transforme et il devient réellement Wingman. Il devra alors protéger Aoi et Liz en français, venu d'un monde parallèle, Podrim, envahi par un ordre belliqueux à la recherche du livre des rêves. Bien qu'ayant une grande part de combat et quelques épisodes dramatiques, Wingman est avant tout une série comique et sur les relations amoureuses. Ainsi, outre le fil rouge de l'histoire qui est de protéger le livre des rêves, il s'agit aussi de mettre en avant la relation entre Kenta, sa bien-aimée Miku et la sulfureuse Aoi. Oui, un triangle amoureux comme dans presque toutes les œuvres de Katsura avec son lot de joie, de pleurs et de rires, et pour Wingman, se finissant souvent par un combat rituel avec un adversaire coriace. Ah, la Delta Force! Nous avons déjà parlé du compositeur de Wingman, Keiichi Oku, dans un précédent animé No Melody avec une de ses œuvres, Marmalade Boy. Il est aussi celui qui a mis en musique les séries Emi Magic, ou bien celle du deuxième film tiré de l'univers de Urusei Yatsura, La Nuit en France. Encore une fois, ce compositeur se permet des incursions dans différents univers et nous promène sans jamais ennuyer les auditeurs avec des thèmes romantiques parfois, d'action souvent, puisque série typique Sentai pour Wingman. Allez, il est temps de vous replonger peut-être dans votre enfance, ou pour les plus jeunes, de découvrir des musiques qui pourraient vous surprendre. Pour cela, nous allons écouter quelques extraits tirés des deux soundtracks de la série Wingman. Thank you. Senshi Wigman. Vous trouverez les deux soundtracks en CD avec les références COCC-724 pour le premier et COCC-722-45 dans la collection Animex 1200 sortie chez Nippon Columbia Records dans une version restaurée. Animer nos mélodies dans la musique de Goldorak. La lune est rouge ce soir. Je joue de la guitare contre un arbre. J'ai l'air d'un hippie prêt à fumer un joint, mais je m'en moque. La lune est rouge ce soir. Ils vont venir. Et je vais défendre tous les enfants de la Terre. Oui, tous. Et les jolies filles aussi, surtout Vénusia. Calibonas. Yuke, yuke, yuke, frido, tobe, tobe, grandaiza, daichi to umi to aozora to tomo to chikatta kono heiwa. Devrais-je vous faire l'affront de vous parler de UFO Robot Grandizer alias Goldorak ? Non. En même temps, cela m'arrange. Cela va me permettre de vous mettre plus de musique. Quoi ? Pas content ? Je m'en moque. C'est moi qui commande ici, je crois, non ? Allez, Goldorak, go ! Goldorak, go ! Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre. En danger, l'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité. Missile Gamma. Pour faire court, la musique a été composée par le grandissime et généralissime Shunsuke Kikuchi. Vous l'aurez entendu un peu partout durant les années 70 à 90, avec des partitions mémorables et reconnaissables entre tous, comme celle du Dr. Slump, High School Kemengumi, alias le Collège Foufoufou, mais aussi et surtout Dragon Ball et Dragon Ball Z. Là, ça y est, ça vous parle désormais ? Les musiques de UFO Robot Grandizer, commandées par la Toei Animation, datent de 1975 d'après le design de Go Nagai. La série compte 74 épisodes de 26 minutes et elle a été diffusée au Japon du 5 octobre 1975 au 27 février 1977. Il est temps de regarder ensemble la Lune et défendre par le cœur et les oreilles notre belle planète bleue en écoutant les musiques de UFO Robot Grandizer, Goldorak. Thank you. Mario Po. Qui dit sake ikari no double haken. Tatakae Grand. UFO Robot Grandizer fait aussi partie de la collection Animex 1200 sous la référence COCC 7712. Il y a parfois des vérités pas bonnes à dire, comme quoi certaines femmes pourraient être dangereuses pour l'homme. Comment ça, je dis des bêtises? Mais regardez les OAV de Dirty Pearl Flash, et vous penserez comme moi. Dirty Pearl Flash est un remake de 1995 de la série télé et OAV Dirty Pearl, dont je vous ai aussi parlé dans l'animé No Melody numéro 5 de janvier. Ici, on reprend les mêmes caractéristiques que l'animé d'origine, mais on réactualise le chara-design des personnages et on les rend plus fun et avec carrément des make-up à la Sailor Moon. Un peu too much, même à l'époque, ayant vécu sa sortie. Les musiques sont composées par Kei Wakakusa. Encore une fois, on est totalement emballé, les musiques étant rock et orchestral. Il existe 3 CD pour cette série d'OAV. Voici un medley assez complet des meilleures musiques tirées de ces 3 CD. trouverez les trois CD sous les références VPCG-84-219 pour le premier, soundtrack, VPCG-84-252 pour le second, et VPCG-84-267 pour le troisième. Animer nos mélodies 10, c'est terminé. Avant de partir en vacances pour revenir en forme en septembre, je tiens à remercier plusieurs personnes qui m'ont aidé à améliorer ou à diffuser ce podcast. Tout d'abord, Olivier Joseph, qui a été le premier à croire en mon podcast et à le diffuser sur animusique.com. Puis Jérémy Bail, alias Gigi, qui s'est aussi proposé de me diffuser sur radioanime.net et de m'intégrer en tant que chroniqueur du JT Manga. Mais pas que, puisque nous allons, durant l'été, travailler sur un pilote pour un animer nos mélodies au maquet en live et à plusieurs. Je tiens aussi à remercier Yannick Rowe qui a fait faire à animer nos mélodies un bond en avant énorme en proposant déjà un design séduisant pour la reconnaissance graphique de l'émission ainsi que de multiples accompagnements publicitaires. Je le remercie une seconde fois pour avoir apporté un souffle incroyable en proposant un générique original à l'émission ainsi que des musiques d'accompagnement. Merci Yannick. Si vous ne connaissez pas Yannick et son travail, je ne peux que vous pousser à aller écouter sa réorchestration des musiques de la série télé Les Mystérieuses Cités d'Or à l'adresse suivante le-grand-héritage.mu. La dernière personne que je voudrais remercier est Thierry Bénard, qui me suit depuis presque le début de cette aventure qu'est animer nos mélodies, et m'apporte souvent son aide sur la partie technique, soit le son. Très important, n'est-ce pas? Allez, on va se dire au revoir sur une petite surprise. La reprise avec une adaptation française de la chanson Kiseki no Umi de la série télé Chronique de la guerre de Lodos, le chevalier héroïque, chantée par votre serviteur. Non, n'ayez pas peur, je vous promets, hein, ça ne fait qu'un tout petit peu mal, enfin... Vous verrez bien, quoi. Allez, à la prochaine, en septembre. Ah oui, et n'oubliez pas que la musique d'anime, ce n'est pas que pour les Japonais. Par le vent des combattants, voyageurs solitaires, un mystère couvre leur chemin sur les traces des Reykjans. L'homme que leur quête sera difficile, le vent. La force et gloire dans l'onde où se reflète comme un miroir flambeau naissante d'un espoir. Voyageur de l'histoire traversant les marches du temps sur les traces des Reykjans. Leurs âmes. chante le chant de la victoire. L'arme à la main, avançant pour changer l'histoire. Leur tête sera difficile, le vent sous la pluie racontera leurs aventures aussi loin que porte le chant de la victoire. L'arme à la main, avançant pour changer l'histoire de notre destin.